Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Charlotte et c'est ma voix qui va venir relancer votre tympan pour les prochaines minutes. Vous écoutez Nice to Hear You, une conversation avec des artistes, créateurs, entrepreneurs et autres humains sympas, au cours de laquelle nous allons aborder des sujets légers et ou de société, et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent. Définition 1. Audace. Artiste qui ne connaît ni obstacle ni limite. Courage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'ouvrir le bal des gens heureux et talentueux avec Lucille. On s'est rencontrés au détour d'un clic il y a 2 ans, et depuis notre première rencontre dans le monde du réel, j'ai eu envie de dresser son portrait sur les ondes. Avec Lucille, on a parlé d'échecs qui font du bien, de bienveillance et de créativité. Très bonne écoute! Bonjour Lucille! Salut Anne-Charlotte! Et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce premier volet de notre nouvelle rubrique Histoire. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler d'audace, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par quelques présentations. Tu es créatrice de bijoux d'une marque presque éponyme qui s'intitule Les Bijoux de Lu, et tu imagines et fabriques, dans ton atelier parisien, des bijoux dorés à leur fin, minimalistes, élégants et intemporels, et en plus d'un talent fou et certain, tu es d'une luminosité et d'une énergie dévorante. Mais ce que j'aimerais savoir pour commencer, c'est la vision que tu as toi de toi. En fait, t'es quel genre d'humain sur la planète ? Waouh, un petit paquet d'éloges pour commencer. Ouais. Quel genre d'humain je suis sur la planète ? Je suis multi-personnalité, c'est-à-dire que j'ai le personnage de Lu pour les bijoux de Lu, et puis j'ai aussi, je suis la mère, la fille, non pas la mère, mais du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses qui m'habitent, mais bon, la première chose que je pourrais dire, c'est que j'ai plus tendance à regarder ce qui se passe à côté de moi et à regarder comment fonctionnent les autres et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble plutôt que de me regarder moi, ce que je suis et ce que je veux faire et comment je peux évoluer. Après, je dirais que j'ai une personnalité plutôt créative, plutôt tournée vers ce qui se passe ailleurs. Et voilà, j'évolue comme ça depuis ma naissance. Est-ce que quand tu étais petite, tu te voyais comme ça ou tu étais déjà comme ça ? J'étais déjà... en fait, ce qui fait ma personnalité, c'est aussi l'enfance que j'ai eue justement et l'éducation dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Et en fait, bah oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dès mon plus jeune âge, j'étais initiée à la musique, à la danse, à des arts... créatif, donc du coup c'est vrai que j'ai toujours été comme ça un peu rêveuse, parce que en plus ce que je fais maintenant c'est une partie de rêve aussi, donc oui. Voilà, rêveuse et ouais, créative, et à regarder toujours un petit peu ce qui se trafiquait chez les autres pour voir ce que voilà, encore une fois, ce qu'on peut faire ensemble. Donc c'est très là où ils se retrouvaient déjà depuis très très jeune. Depuis que tu étais enfant. Ouais, et est-ce que du coup, tu penses qu'on naît avec de l'audace ou qu'on en fabrique avec le temps ? Je pense qu'en fait, on en fabrique avec le temps, dans le sens où en fait, je pense que l'audace, elle peut s'acquérir dans un certain contexte. Dans un certain contexte où on a les outils éventuellement, les outils intellectuels, matériaux, un certain confort en fait pour développer de l'audace. Après, bon, je dis ça, il y a des gens qui ont de l'audace simplement pour survivre dans leur contexte de vie. Oui. Là, si on parle d'audace, dans mon cas, c'est quelque chose qui s'est développé parce que j'ai eu le temps de mûrir plein de projets, des rêves, et que après je me suis dit qu'il fallait que je me donne pour les concrétiser, et c'est vrai que l'audace ensuite se construit et je pense se développe, mûrit et voilà, n'a jamais fini de grandir au fil du temps. Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut naître avec, mais c'est jamais quelque chose de très fixe en fait. Non. C'est mouvant en ouais, fait, ouais, ça se travaille en plus, du temps et de ta personnalité. J'ai lu quelque chose sur internet qui m'a interpellée, j'aimerais te le lire pour que tu me dises ce que t'en penses. Ouais. Plus notre monde est sécurisé et plus nous sommes craintifs, se risquer à de nouveaux comportements, oser l'inhabituel, progresser. Est-ce que ça te parle ? Ça me parle tout à fait. J'ai le sentiment dans notre société que souvent les grands médias et en tout cas les informations qui circulent beaucoup sont des informations qui véhiculent souvent un peu des grandes nouvelles autour de la peur, un peu de la, enfin des choses en tout cas qui créent un état un peu de paralysie. Mmh. Et je crois qu'il faut vraiment aller à contre-courant pour pouvoir dépasser ça, dépasser un peu le cadre qu'on nous fixe et pouvoir inventer des nouvelles choses et rêver et voilà, pouvoir développer des nouvelles choses pour pouvoir arriver à résoudre des problématiques qu'on rencontre et pouvoir inventer des choses de plus en plus jolies, quoi. Et du coup, est-ce que c'est ces choses-là, en fait, c'est cette volonté d'apporter du beau dans ce monde, ou est-ce que c'est autre chose qui t'a donné, toi, le déclic de te lancer ? Oui, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que... Alors, le beau, il y a le beau sous différents... Il y a différents beaux, en fait, de mon point de vue. Il y a le beau, l'objet, le beau artistique, donc ce qu'on va créer, et on va essayer de faire quelque chose de beau. Donc il y a ça, et puis beau dans la manière de le faire, dans la forme, comment on va s'y prendre, avec qui on va travailler, et quelle énergie il va y avoir. Et du coup, effectivement, je pense que oui, j'ai eu vraiment cette volonté-là à un moment donné, décrocher d'un parcours d'études et de professionnel qui n'était pas forcément ma place, décrocher de ça, parce que je n'étais pas forcément là où je voulais être, de me poser la question de ce que je voulais et d'entreprendre quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'incertain et de l'aventure pour pouvoir moi-même créer quelque chose de nouveau et qui corresponde à une attente, effectivement, de certaines valeurs, dont le beau qu'on évoque là. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, enfin, être créateur, entrepreneur, artiste, c'est un peu un chemin semé d'embûches avec des désillusions et puis des ratés. C'est quoi, toi, ta formule magique, ta recette maison, ta petite formula, en fait, pour oser essayer, se tromper et puis recommencer, finalement ? Eh bien, ça, je pense que c'est un peu l'expérience, maigre expérience que j'ai, mais c'est un petit peu l'aventure... au fil du temps, en fait, qu'on arrive à avoir à apprendre, en fait, que quand on se casse un petit peu la figure à des moments, on peut facilement se relever, enfin pas forcément facilement, mais en tout cas on se relève et que c'est pas la mort, et que entreprendre en étant une marque, un créateur ou un artiste, c'est essayer des choses. Et donc, tant qu'on ne les essaye pas, de toute façon, on ne peut pas voir ce qui se passe si on échoue. Oui, si on... Et souvent, en plus, un échec peut être aussi quelque part une victoire parce qu'il t'a appris beaucoup de choses ou parce qu'après, au final, quelques temps plus tard, il va t'apporter des choses qui finalement étaient bénéfiques. Donc, en fait, je crois que c'est vraiment le fait d'essayer déjà et d'avoir fait des choses qui m'ont fait comprendre qu'en fait, il fallait toujours avancer, quoi qu'il arrive, et ne pas avoir peur d'échouer, parce que finalement, en essayant, on n'échoue jamais. En fait, je pense que ce que j'ai appris, vraiment, c'est que je préfère avoir des regrets, c'est-à-dire un peu regretter quelque chose que j'aurais fait, que des remords. C'est-à-dire regretter quelque chose que je n'ai pas fait. Oui. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment la plus grande des frustrations. Voilà, se tromper, ça arrive et du coup, on avance après. Ouais, tout, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui peut freiner aussi parfois des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou en tout cas mener à bien un projet, cette peur de l'échec. Ouais. Mais en même temps, comme tu le dis, si on n'essaye jamais, on ne peut pas savoir si ça peut fonctionner. Oui, tout à fait. Et puis l'échec, il est relatif dans le sens où, par exemple, les personnes qui peuvent avoir peur de se lancer, il y a beaucoup de regards différents sur l'échec. C'est-à-dire qu'un échec, ça peut être quelqu'un qui regarde une personne et qui voit que ça fait 2 ans qu'elle bosse corps et âme et qu'elle développe ce qu'elle fait et qu'elle ne gagne pas forcément sa vie. Alors que la personne, elle ne voit pas ça comme un échec parce que finalement, elle sent les choses évoluer et puis elle est dans quelque chose qui l'accomplit totalement. Et donc, il y a vraiment différents regards à avoir, relativiser. Et c'est vrai que souvent, il y a des craintes. Mais en fait, je crois qu'une fois qu'on se lance ensuite, une fois qu'on est dans le bain, on comprend très vite qu'on est dedans et qu'il faut y aller, en fait. Les plus grandes craintes des gens qui n'osent pas se lancer, c'est que forcément, ils regardent la piscine depuis le bord, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est se jeter qui est le plus difficile, ouais, finalement. Je pense, ouais. Et c'est vrai que maintenant que tu t'es lancée, ça fait un petit moment maintenant que tu as ta marque. Mm-hmm. J'imagine que dans ton parcours, tu as aussi eu des grandes désillusions. Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous en parler d'une en particulier qui t'a marquée et dont tu aurais une leçon à tirer et puis à partager avec nous ? Oui, en fait, j'ai déjà eu des grandes, moyennes, petites désillusions. Celle qui m'a marquée... parce qu'elle elle a été une désillusion sur une échelle de temps quand même assez large. C'était la désillusion d'une collection que j'ai élaborée, qui finalement n'a pas été à la hauteur de mes espérances en termes de tout ce que j'avais projeté, de vente, de visibilité. Et pour autant, c'était vraiment un travail dans lequel je m'étais engagée de manière profonde. J'avais vraiment travaillé longtemps dessus. Et en fait, très vite, j'ai rebondi sur cet échec. C'était un moment de grosse remise en question. Et en fait, plus j'avance là, plus je m'éloigne de cette période-là, plus je note tous les aspects bénéfiques que j'ai pu, les conclusions que j'ai pu tirer de cette expérience et tout ce que ça m'a apporté en bien, en fait. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de l'échec, au final, c'était un échec à ce moment-là, avec une désillusion sur le moment, et puis finalement, on se rend compte que les choses sont faites comme elles sont. Oui, c'était un échec à cet instant T, mais finalement, c'est plutôt une conclusion aujourd'hui. Oui, c'est une conclusion, c'est quelque chose qui m'a nourrie, c'est ça, une conclusion générale. Et c'est vrai que du coup, avec ton métier, puis ta marque, que tu souhaites développer par collection, par année, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de remises en question tous les ans. Mm-hmm. Est-ce que pour toi... Tout le temps. Pas tous les ans, tout le temps. Tout le temps, au fur et à mesure. Créer, je pense que c'est se remettre en question tout le temps. Et est-ce que tu vois chez les consommateurs une demande d'audace, ou est-ce que les gens sont audacieux dans leur façon d'appréhender la mode, ou Je sèche. Non, en vrai, je pense qu'en fait, l'audace, elle est dans ce qu'on met... Alors, si là, on parle plus précisément de consommateurs, de clientèle, de gens qui vont effectuer un achat d'une pièce, l'audace, elle est dans la projection de la personne sur l'achat qu'il va faire. C'est-à-dire que si concrètement, on prend les bijoux de luxe, et l'univers de la marque, les clients chaque cliente va être différente, et chaque cliente va se rapprocher d'une pièce pour des raisons différentes et projeter différentes choses. Et là, l'audace, elle est là-dedans, parce que l'audace, elle est de se rapprocher d'un objet et d'avoir l'idée d'en faire ce qu'on veut en faire et de le mettre en avant comme on veut, avec une certaine créativité, du coup. C'est-à-dire que moi, je fais le bijou et un prolongement de l'objet, parce que après, moi, je ne maîtrise pas ce qui va se passer derrière et qu'est-ce que la personne va en faire. Et du coup, oui, je pense que après, est-ce qu'il y a une recherche d'audace, une volonté, enfin une demande, moi, j'ai pas de visibilité là-dessus, je sais pas trop, mais je pense que l'audace, elle est dans chacune des personnalités, avoir l'idée de ce petit grain de folie comme ça. Ouais. Parfois, en plus, il y a des clientes qui détournent des bijoux parfois. Ah oui. Ouais, qui vont prendre un bijou, qui vont pas le mettre comme moi je l'aurais imaginé. Ça, c'est aussi une audace. Et elle n'est pas vraiment palpable, en fait. Et elle est très personnelle, elle est peut-être même très intime, cette audace. Ouais, c'est vrai que du coup, le rapport à la mode et puis à l'objet, chaque personnalité se reflète dessus. Ouais. Et parfois, effectivement, tu dois pouvoir avoir des bonnes surprises de choses que tu n'aurais pas imaginées. Oui, tout à fait. Qui te permettent, du coup, peut-être de te nourrir aussi de toute cette audace et de toute cette énergie qu'on peut te montrer, en tout cas. Ouais. Quand tu vois des personnes porter tes pièces. Oui. Et est-ce que, du coup, tu penses que c'est contagieux, cette audace-là de... Alors, c'est vrai que là, on aborde plus l'audace. Tu me parles de consommateurs, de clientèle. Moi, c'est-à-dire que c'est des gens que je rencontre régulièrement, mais c'est vrai que moi, ma marque, je l'ai développée par internet, donc d'abord j'ai mis longtemps à rencontrer les gens qui m'achetaient réellement mes bijoux, parce qu'il y avait vraiment cette vitrine internet où finalement je ne savais pas ce qu'advenait mon travail après l'avoir vendu. Maintenant c'est différent, mais c'est vrai que c'est encore des personnes que je côtoie moins que par exemple les personnes qui vont travailler avec moi pour ma marque. Si on parle d'audace, par exemple, je pense directement à ces gens-là. Qui évolue au fil des saisons. Je travaille jamais vraiment avec les... Enfin, j'ai un noyau, mais après, je travaille avec des personnes différentes. Et là, l'audace, elle est clairement chez ces personnes-là qui ont des propositions et des idées qui sont un peu incertaines et qui n'ont pas été vraiment déjà testées. On essaye des choses ensemble. Et voilà, si tu me parles d'audace dans mon travail, en tout cas, moi, je pense vraiment à... Ça, je pense à... Oui, c'est que l'audace est forcément plus rien. Être audacieux tout seul, ça n'a jamais vraiment de... Pour moi, ça a plus de poids, en fait. Mais je le valorise souvent. C'est quelque chose que je mets souvent en avant depuis le début de ma marque. C'est que moi, on parle de les bijoux bleus, on parle de la créatrice, mais ce qui fait la marque, c'est les gens qui travaillent avec moi et c'est aussi la clientèle, c'est certain. Mais du coup, effectivement, je pense que l'audace, elle est plurielle. Elle est dans un échange d'idées. Ça rejoint un peu la manière dont je fonctionne aussi. C'est vraiment l'idée qu'on on peut pas tout seul avoir toutes les idées, tout le recul nécessaire, tous les points de vue. C'est pas possible. On a beau être très cultivé ou très, très curieux. On n'a jamais... Donc, l'audace, elle est dans un pluriel, comme tu l'as dit, quoi. Et tes inspirations, tu les trouves comment, justement, pour cultiver tout ça, en plus des personnes qui t'entourent? Est-ce que t'as des médias ou des lectures ou des choses dans la vie du quotidien qui te donnent envie, qui t'inspirent et qui nourrissent justement cette créativité? On parle d'audace, si on reste sur cette thématique-là. Moi, c'est vrai que je suis très, très inspirée. J'admire beaucoup, beaucoup de femmes. Des écrivains, des chanteuses, des femmes engagée dans la politique, enfin, donc j'observe beaucoup les figures un peu émergentes féminines actuelles. Est-ce que tu peux nous donner quelques... Ouais, par exemple, j'aime beaucoup une chanteuse qui s'appelle Mia, je sais pas comment on dit, qui fait de la musique, qui chante et qui est aussi très engagée, qui développe des choses que je suis de près, et par exemple elle. Après, voilà, j'écoute beaucoup de musique, donc ça c'est vraiment des moments qui vont pas forcément m'inspirer, mais qui vont permettre d'être dans un état d'esprit qui laisse venir un peu les idées que je peux avoir, oui, de recul par rapport au quotidien et à plein de choses. Donc la musique, la littérature, par exemple, oui, on parle de femmes, je lis là en ce moment un livre de Sophie Fontanelle, et je la suis aussi sur les réseaux sociaux, et je suis aussi ce qu'elle fait, et puis voilà, donc bon, je suis très inspirée de ça. Après, très concrètement pour mes collections, c'est vraiment des matériaux que je vais aller chercher chez des fournisseurs, des formes. Et du coup, je suis autodidacte, donc je dessine pas du tout. Donc je vais vraiment très concrètement commencer à travailler avec la matière. Et donc mes inspirations, elles viennent aussi comme ça. C'est-à-dire que je vais avoir mes matériaux devant moi et je vais essayer des déclinaisons de formes, des choses comme ça. Et ça va se construire comme ça. Et après, j'imagine que de manière plus lointaine, en étant un peu sur la plateforme digitale, sur les réseaux sociaux, sur Internet, en suivant un petit peu différents médias, effectivement, je vois des choses qui me plaisent, des formes, chez des créateurs, pas forcément de bijoux. Je suis très, très admirative du travail de beaucoup de monde en bijoux, mais aussi dans le prêt-à-porter ou dans le textile, même dans la décoration d'intérieur. Oui. Et donc, je pense que ça aussi, bon, c'est pas vraiment palpable, mais je pense que ça doit venir en fond compléter un petit peu les idées que je construis. Et du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu disais un peu plus tôt, sur des lectures, sur de la musique, oui, est-ce que tu as des figures féminines qui t'inspirent au quotidien? Et plus particulièrement, ma question, c'est l'incarnation de la femme audacieuse, c'est qui pour toi? Bah, par exemple, là, on est à une dizaine de jours de la mort de Simone Veil. Je dirais pas que c'est une femme qui m'inspire au quotidien, parce que pour être très honnête, c'est un personnage que je découvre maintenant, parce que je suis en train de lire sa biographie et dont j'ai entendu parler beaucoup suite à sa mort. Mais voilà, ce type de figure féminine très engagée, c'est ma mère, elle fonctionne comme ça, donc je pense que j'ai hérité ça de ma mère. Elle est très, très inspirée de ce que les femmes ont pu faire dans le monde et comment elles ont pu faire avancer la société. Mais très concrètement, si je dois citer des noms, moi, je suis très, très touchée par la musique et par le parcours de la chanteuse Barbara. C'est marrant parce que je me suis dit qu'un jour, je ferai un listing de toutes ces figures que j'adore, parce que en fait, au moment où on me demande qui m'inspire, je sais jamais les dire. Voilà. Mais il y en a un paquet. Du coup, voilà, c'est des choses que au quotidien, tu aimes regarder avec bien. J'aime regarder même des chanteuses comme elles sont décédées déjà, mais Nina Simone. Ou j'aime regarder ces femmes-là parce que je me dis qu'elles ont eu tellement de courage à un moment donné dans un contexte précis. Qu'elles ont été en tout cas très regardées parce que c'est des femmes dont on parle encore et qui vivent encore à travers leur travail et ce qu'elles ont fait dans leur vie, que du coup je me sens un peu rikiki et je me dis que j'ai beaucoup de choses à faire et ça me permet d'être dans ça me permet de développer encore plus ma créativité et en même temps de me rendre compte que j'ai pas fait grand chose encore et que je peux pas. C'est une espèce d'essence qui te donne envie d'aller plus loin. Tout à fait. Et ça, c'est ça l'audace aussi. Ouais, ouais. C'est vrai. Avoir aussi, je pense, être un peu humble et savoir admettre le parcours qu'on a fait, mais en même temps avoir toujours envie d'aller plus loin. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, en parlant d'aller plus loin, c'est quoi ton prochain challenge ? Mon prochain challenge, à court terme, c'est de sortir ma prochaine collection. C'est toujours un challenge parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail en amont. Pendant 6 mois, on travaille sur la collection, on travaille sur comment on peut améliorer tout ce qui n'allait pas à la collection précédente, comment la rendre visible, toucher plus de gens, de personnes. Donc, c'est à chaque fois un challenge. Et en plus, c'est à chaque fois, comme c'est des nouvelles pièces, et puis comme moi, je suis encore une fois autodidacte, donc j'ai rien appris à la base, donc j'apprends aussi au fur et à mesure, donc mon style et la technique évoluent, donc les pièces sont jamais vraiment, elles ont toujours un peu évolué de collection en collection, donc c'est toujours un peu la surprise et le challenge de sortir ça. Mon challenge, il est quotidien, il est vraiment dans tout combiné, parce que quand on est on développe une marque, on est ultra ultra polyvalent, c'est presque un euphémisme de dire ça, parce que on est sur tous les fronts tout le temps, et donc le challenge, il est d'arriver à continuer à faire ça et de faire encore mieux et d'avoir encore plus d'idées, de rencontrer encore plus de personnes, et voilà, réussir à conjuguer toutes les casquettes pour servir encore plus audacieuse. Toujours plus audacieuse, voilà. Et donc, du coup, pour finir, les prochaines dates ou infos à noter dans nos agendas concernant les bijoux de Lu. Alors, il va y avoir pas mal de choses. En septembre, on a noué une collaboration avec Chandor, qui est une marque de très, très beaux foulards en soie, d'accessoires textiles. On a noué une collaboration, on va éditer une collection ensemble. Et la collection, donc, il y aura une soirée de lancement en septembre. À l'atelier Meraki. L'atelier Meraki, c'est l'endroit où je travaille, dans le 11e arrondissement à Paris. Donc ça, c'est vraiment une date clé, parce que je pense que ça va être une soirée vraiment festive et qui va regrouper deux univers. Et là, on parlait de challenge tout à l'heure, il y a un vrai challenge à pouvoir convoquer du monde autour de cette collaboration. Et puis ensuite, c'est la nouvelle collection qui arrivera dans la foulée début octobre, avec les nouvelles pièces en ligne sur mon site Les Bijoux Lu. Merci beaucoup, Lucille. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci à Lucille d'avoir accepté de me prêter sa voix pour ce premier épisode et merci à vous, camarades des ondes, de l'avoir écouté. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à nous le dire sur iTunes en nous envoyant de l'étoile par kilo ou sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Lucille et les bijoux de Lu dans la description de cette émission ainsi que sur le blog unefidera.com. Une bise sur chaque tavant et à très vite.